J'avais fait une conférence sur un thème similaire il y a 2 ans exactement dans le séminaire du GEMAS. J'ai regardé sur mon ordinateur la date, mais j'ai le sentiment qu'aucun d'entre vous n'était là. Est-ce que quelqu'un était là? Je pense que c'était d'autres circonstances et d'autres publics. Et même toi, tu n'étais pas venu. Donc en fait, je peux tout reprendre en quelque sorte à zéro. Même s'il y a 2 étudiants ici qui ont suivi un cours qui traitait en partie, mais pas de manière complète, les thèmes que je vais évoquer ici et qui sont ceux autour de la notion d'externalité négative. Alors, un petit rappel historique. Alors, j'essaye de proposer un traitement sociologique de la notion d'externalité négative, d'indiquer la manière dont celle-ci joue un rôle dans la détermination des normes sociales et en particulier des normes de la vie économique, à travers en particulier des procédures de justification dont je développerai le contenu. Alors, pour rappel, la notion d'externalité négative est une notion qui vient de l'économie. Je ne sais pas qui a conceptualisé le terme, who coined the term, on dirait en anglais, mais enfin, la théorie des externalités négatives est associée à Arthur Cécile Pigou, qui l'avait désigné comme un défaut fondamental des systèmes de libre-échange, puisque ceci n'intègre pas le tort fait aux autres à travers les externalités négatives. Et Cécile Pigou avait, de manière célèbre, indiqué que cela impliquait et nécessitait l'intervention de l'État pour corriger ces externalités négatives. Et cette théorie de Pigou a donné lieu à un théorème célèbre, celui de Coase, qui visait précisément à contester la théorie de Pigou en insistant sur 2 choses. C'est que empêcher quelqu'un de faire une externalité négative, de produire une externalité négative, revient à produire une externalité négative sur lui-même, puisqu'il est empêché de faire quelque chose qu'il souhaiterait faire, et que donc ça ne règle pas le problème. Et que par ailleurs, le marché permet de régler ce problème d'externalité négative sous un certain nombre de contraintes. Et moi, j'ai consacré enfin, des efforts à essayer de montrer que le théorème de Coase ne marche pas et qu'il faut le remplacer par une autre approche. Alors, les externalités négatives peuvent se situer à un niveau très général, à un niveau très particulier. Je donnerai 2 exemples. Le premier est celui du nucléaire. J'ai passé ce matin 3 heures à la commission d'évaluation du nucléaire dans laquelle j'ai été nommé, que j'ai accepté comme terrain pour étudier cette histoire d'externalité négative. Et avec ce phénomène assez extraordinaire qu'en France, 80% de l'électricité est produite d'origine nucléaire, alors que l'Allemagne, qui est le pays voisin plus proche, a décidé d'arrêter entièrement à un certain horizon sa production de nucléaire, alors qu'évidemment, s'il y avait un problème nucléaire en France, il y aurait un impact sur l'Allemagne et que la question des externalités n'est pas réduite à des frontières particulières. Alors, un deuxième exemple tout à fait différent, c'est exprès que je prends 2 exemples tout à fait différents. Dans le Marais, quasiment tous les jours, il y a des taggeurs qui se présentent comme artistes de rue, qui développent des tags sur la plupart des façades de la rue. Et quasiment chaque semaine, la mairie efface ces tags à grands frais de peinture. Et ça dure comme cela depuis des années. Et il y a un équilibre entre ceux qui font. Et alors évidemment, chacun s'estime victime d'externalités négatives de la part de l'autre. Les taggeurs qui considèrent que leur art n'est pas reconnu. Et au contraire, la mairie ou les propriétaires qui considèrent que les murs sont salis. De fait, la notion d'externalité positive ou négative ne se réduit pas à l'économie. C'est quelque chose qui relève d'inégalités, inégalités qui sont irréductibles à une inégalité de revenus ou de statut. puisque même dans une situation sociale qui serait par hypothèse parfaitement égalitaire en termes de revenus ou de statut, le problème des externalités négatives se poserait. Par exemple, faudrait-il développer une industrie nucléaire ou pas? Faudrait-il autoriser l'art de rue ou pas? Etc. Et donc, ce sont des problèmes d'asymétrie, en quelque sorte, du tort subi ou perçu comme subi, qui ne relèvent pas du tout d'une inégalité de revenus ou d'une inégalité de statut, même s'il peut y avoir des liens. Alors, l'idée générale que je développerai est que nous vivons dans des sociétés extrêmement réglementées, qui sont des sociétés en réalité très peu libérales, qui prescrivent des règles, et le contenu de ces règles est d'autoriser certains types d'actions, d'interdire d'autres types d'actions. Et généralement, quand un certain type d'action est autorisé, cela nuit à des gens qui estiment que des actions qu'ils voudraient engagées ne sont pas autorisées, et inversement. Nous sommes très loin de vivre dans une société, par exemple, de marché concurrentiel, pure au sens de l'équilibre néoclassique, et même cette société, si elle existait, elle n'existe pas, correspondrait à une certaine répartition de règles et de capacités d'action entre les acteurs. Ce qui m'a fasciné, alors, il n'y a que Federico ici qui soit philosophe. Les grandes théories de la justice qui ont été développées à la fin du XXe siècle, n'est-ce pas, qui sont les théories les plus influentes, ne traitent pas cette question des externalités négatives et en fait conçoivent un monde où il n'y a pas d'externalités négatives. Si vous prenez par exemple la théorie de la justice de Rawls, c'est un monde où en fait tout le monde est adapté à tout le monde et où personne ne crée du tort à autrui. Il en va de même dans les projets. Par exemple, de théorie économique ou normative de Amartya Sen, que je n'évoquerai pas. Alors, mon point de vue est un point de vue de théorie sociologique que je caractériserai par quatre dimensions. Il y a beaucoup de théories en économie, il y a beaucoup de théories sur les normes en économie, il y a beaucoup de théories très générales sur l'émergence des normes, en particulier les théories de Douglas North en économie institutionnaliste, de George Akerlof. Il y a également beaucoup de théories sociologiques générales sur les normes. Il y a Coleman, évidemment. Il y a aujourd'hui les théories de Jonathan Turner qui insistent sur les émotions. Je voudrais, pour ma part, contribuer à cet aspect théorique à partir d'un point de vue sociologique qui insisterait sur donc quatre dimensions. Premièrement, la spécificité d'une approche théorique et correspond à la description d'une structure, c'est-à-dire d'un certain nombre de relations entre les acteurs et de représentations de ces relations. Il y a à la fois les relations elles-mêmes et les représentations de ces relations qui font partie du paysage général de cette structure. Deuxième dimension de cet aspect théorique, il y a une conceptualisation de la description de la situation qui est très importante et qui n'est pas révélée par l'observation empirique. Par exemple, l'interprétation d'une situation empirique en termes de coûts et d'avantages. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion de coûts et d'avantages dans un moment. Et troisième dimension de cet aspect théorique, ce n'est pas réductible à la description d'un aspect particulier de la réalité sociale, c'est-à-dire que ce sont des structures qui permettent de se retrouver dans différents aspects. Ainsi, il y a une structure commune à la question du nucléaire, à la question des tags dans la rue, n'est-ce pas, alors qu'a priori, ce sont des réalités très hétérogènes. Et enfin, cette structure, à mon sens, est donc à la fois comme description d'un système d'interaction et des représentations de cette interaction, permet d'avoir une base pour interpréter ces situations et des représentations locales et l'interprétation des comportements et notamment des argumentations normatives qui interviennent dans le cadre de ces gestions des problèmes d'externalité. Alors, je commencerai par indiquer qu'il y a deux types fondamentaux d'externalités négatives. Je laisserai de côté dans mon propos les externalités positives, même si elles vont apparaître à un certain moment pour une raison spécifique. Alors, il y a une question de savoir si les externalités négatives correspondent à une dimension intentionnelle des comportements ou non. En fait, c'est secondaire, n'est-ce pas, puisque vous pouvez avoir des externalités négatives sur autrui, aussi bien de manière intentionnelle que non intentionnelle. Et du coup, cette affaire n'est pas directement pertinente. Alors, il y a deux cas généraux, me semble-t-il. Le premier, c'est en fait celui de la concurrence ou des acteurs poursuivant des objectifs similaires se retrouvent dans une situation où le succès de l'un correspond à un échec de l'autre. Ce sont des situations typiques de concurrence. Ainsi par exemple, dans le domaine économique, les inventions techniques sont l'occasion d'externalités négatives très importantes, puisque lorsque les gens s'orientent vers l'usage d'Internet, lorsque les gens s'orientent vers les téléphones portables, ils provoquent la faillite de la téléphonie classique, ils provoquent l'affaiblissement des ventes de la poste. Il y a également les changements de normes qui sont source d'externalités négatives, ou la différence même des normes, puisque par exemple, une des raisons des difficultés financières d'une compagnie comme Air France tient au fait que les compagnies qui se développent énormément maintenant, comme les compagnies du Golfe, n'ont pas les mêmes normes et dans un jeu concurrentiel adoptent des normes qui leur sont profitables au détriment d'Air France, des compagnies de type Air France. Cette dimension de concurrence est une dimension, c'est donc simplement quand les acteurs cherchent à réaliser de manière conjointe des objectifs qui sont similaires, mais dont le succès de l'un a une dimension négative sur la situation des autres. L'autre cas plus général, et qui est généralement associé à la notion d'externalité négative, c'est lorsque... Les actions individuelles ont une incidence négative sur des biens auxquels tiennent d'autres individus. Par exemple, lorsque mon immeuble est propre et qu'il est tagué par un artiste de rue, lorsque la couche d'ozone est percée par des émissions de gaz carbonique, ou bien lorsque un patrimoine culturel est détruit par des initiatives immobilière. Donc cette fois-ci, ce sont des biens auxquels des individus X tiennent qui sont l'objet d'une affectation par d'autres individus. Lorsqu'on parle de biens qui sont affectés par des externalités négatives, à quoi correspond cette notion d'affectation et du fait que les gens ont le sentiment qu'ils sont victimes d'un tort? Cela peut correspondre à deux situations différentes. Cela peut correspondre à une situation où d'un certain point de vue, tout le monde a la même représentation du caractère négatif de l'externalité. Par exemple, lorsqu'il y a des situations de forte pollution, il y a une représentation assez consensuelle du fait que la pollution est un problème et qu'elle représente une externalité négative pour tous ceux qui se sentent victimes de celle-ci. Mais la plupart du temps, ou très souvent, alors je n'ai pas quantifié, c'est une distinction conceptuelle, les gens ont des perceptions différentes des externalités négatives et ne perçoivent pas simultanément le caractère nuisible ou non nuisible d'une action. Ainsi, je reprendrai toujours les deux mêmes exemples, le nucléaire, qui fait l'objet d'une appréciation globalement positive en France, puisque la quasi-totalité des partis politiques soutient le programme nucléaire, sauf les écologistes, alors qu'en Allemagne, ça a conduit à ce que le parti conservateur au pouvoir renonce à ce programme nucléaire. Donc c'est une perception très différente des externalités négatives. Le même exemple vaut pour l'art de rue, en fonction, n'est-ce pas, l'artiste de rue. Et vous connaissez le succès, par ailleurs, d'artistes de rue qui vendent par millions leurs œuvres maintenant. Donc il y a des différences de perception. Globalement, les objets sociaux sont perçus de manière différente. Par exemple, un voile peut être perçu comme quelque chose d'offensant par une féministe qui l'assimile à une situation de domination masculine, tandis que quelqu'un qui porte ce voile peut le considérer au contraire comme l'expression d'une émancipation dans le cadre d'une fidélité à une tradition culturelle. Et donc le même objet sera perçu très différemment par différentes catégories d'acteurs. Alors, les actions, Coleman, dans son ouvrage classique, a montré que, d'une certaine manière, les externalités négatives donnaient naissance à des règles qui visent à favoriser l'émergence d'externalités positives ou à diminuer la production d'externalités négatives. Coleman a raisonné en particulier dans les situations de dilemme du prisonnier, où il y a une demande d'un certain type de comportement qui oriente les acteurs vers la production de résultats qui sont favorables à une demande sociale, même si ce n'est pas toujours le cas. Donc, en tous les cas, les externalités négatives donnent lieu typiquement à des règles qui permettent d'orienter les actions dans une direction plutôt qu'une autre, et dans une direction qui favorise la production d'un certain type d'externalités négatives ou qui la prohibe. Ce qu'il est important de noter, c'est que les règles elles-mêmes adoptées par les membres d'un autre groupe suscitent des externalités positives ou négatives sur d'autres personnes. C'est-à-dire le fait que les différents groupes soient associés à des systèmes de règles variables conduit au fait que le fait que certains groupes aient adopté certaines normes peut avoir des externalités négatives sur d'autres groupes. Je reprendrai le même exemple. Le développement des compagnies aériennes du Golfe qui conduisent à la très grande difficulté des compagnies européennes, d'Alitalia par exemple, etc., est lié en fait à une différence de normes sociales. Et les normes adoptées par un groupe exercent des externalités négatives sur l'autre groupe. Donc, en fait, les normes ne sont pas simplement quelque chose qui règle le problème des externalités, mais les normes suscitent elles-mêmes, à leur tour, des problèmes supplémentaires d'externalités négatives. Alors, il n'y a pas de réduction possible de cette analyse des externalités positives et négatives à une analyse en termes de coûts et d'avantages. Pour deux raisons essentielles. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est que, en fait, aussi bien du point de vue de la théorie économique standard que du point de vue d'une observation sociologique élémentaire, il n'y a pas d'homogénéité des notions de coûts et d'avantages. C'est-à-dire que les coûts et les avantages ne sont pas perçus et pondérés de la même manière par différentes catégories d'acteurs. Sinon, eh bien, on ne pourrait pas expliquer que des pays très semblables, comme la France et l'Allemagne, par exemple, et des représentations du nucléaire si différentes qui conduit les uns à poursuivre et à accélérer en fait le programme nucléaire et les autres à y renoncer. Cela tient au fait que les coûts et les avantages concernés représentent des éléments qui sont hétérogènes les uns aux autres. Ainsi, par exemple, l'avantage d'une électricité bon marché versus la protection des générations futures, la relation entre le court terme et le long terme, la relation entre le voisinage immédiat et le voisinage lointain. Tous ces éléments ont des valeurs qualitatives que personne n'a les moyens de transformer en variables quantitatives qui feraient l'expression d'une fonction d'utilité homogène en termes de coûts et d'avantages. En fait, nous n'avons pas les moyens d'effectuer cette conversion. Il y a une hétérogénéité intrinsèque des coûts et des avantages entre eux, Et ceci suscite une hétérogénéité de la perception des coûts et des avantages entre différentes catégories de population. La deuxième situation est que si même on avait une représentation homogénéisante des coûts et des avantages associés à ces externalités négatives, se poserait le problème de la répartition à l'intérieur d'un groupe entre les externalités, qui doit les subir, qui doit en bénéficier. Donc si même on avait un niveau d'optimisation globale en termes de coûts et d'avantages, cela ne réglerait pas le problème de la répartition entre les différents acteurs de ces coûts et de ces avantages. Je ne l'ai pas dit, et j'y viens maintenant, je crois ne l'avoir pas dit. Ce problème des externalités ne se réduit pas à l'économie et à la situation de marché communément associée aux situations de marché. Ainsi, pour ce qui est du nucléaire, puisque je poursuivrai sur cet exemple, ce sont des politiques publiques prennent en charge la définition du nucléaire et qui vont orienter dans un sens ou dans l'autre la production de ces externalités négatives. En d'autres termes, il n'y a pas de solution benthamienne, il n'y a pas de solution benthamienne, du nom de Jeremy Bentham, au problème des externalités négatives. La solution benthamienne, je vous la rappelle très simplement, évidemment, la solution benthamienne, c'est la maximisation de l'avantage collectif et la minimisation du coût collectif, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on associe à la solution benthamienne. Ce n'est pas possible parce que, en fait, premièrement, comme je viens de le dire, nous n'avons pas de mesure directe de l'utilité qui permettrait une maximisation collective. Nous n'avons pas une fonction d'utilité collective qui permette de définir quelque chose qui serait une maximisation en termes de bien-être ici considéré. Et je laisse de côté l'objection communément associée à une perspective benthamienne, même si on avait une mesure de l'utilité collective, qui serait la question de la répartition de ces coûts et des avantages, à partir même de l'idée où on aurait une maximisation collective des coûts et des avantages. Et alors, la seconde version possible, qui est une version minimaliste d'une perspective benthamienne, serait de dire que, en fait, ce qu'il convient de faire, ce n'est pas d'avoir une mesure directe de l'utilité ou du bien-être des acteurs que l'on n'a pas à l'échelle collective sur des sujets de ce type, mais de se rabattre sur une indication qui consisterait dans la maximisation de la croissance ou la maximisation de la richesse mesurée en termes de valeur de marché. Mais là aussi, si vous voulez, cela ne marcherait pas, puisque la solution d'une maximisation de la valeur monétaire à partir d'une mesure des biens sur un marché ne prendrait pas en compte le fait que cette croissance pourrait être perçue, par exemple, s'il s'agit au bout du compte de retenir le nucléaire, perçue comme négative par les catégories de la population. Alors, je voudrais maintenant rappeler pour les deux ou trois qui connaissent cela et décrire pour ceux à qui je n'en ai jamais parlé le théorème de cause et la critique que l'on peut adresser au théorème de cause. Alors, je l'ai rappeler brièvement et je vais y revenir. Alors, l'idée de cause est donc que, eh bien, on peut on peut régler la question des externalités négatives par des transactions de marché, par un mécanisme simple qui est que, en fonction des droits de propriété et de la répartition des droits de propriété, il va y avoir un mécanisme d'allocation optimale des ressources. Ce mécanisme d'allocation optimale des ressources fait que si le producteur d'une externalité négative peut être dédommagé par les victimes qui se perçoivent comme victimes de cette externalité négative à une hauteur supérieure au bénéfice qu'il ferait, eh bien, il sera dédommagé. C'est donc une solution efficace qui sera retenue. Et si, inversement, les externalités négatives représentent une valeur supérieure à celle dont seraient prêts à les dédommager les victimes de ces externalités, ça sera à nouveau une solution efficace qui sera retenue. Et dans les deux cas, il y a un accord qui se fait entre les parties et qui correspond à une maximisation de la richesse collective et à une situation qui est Pareto optimale. Alors, comme vous le savez, cause insiste sur deux dimensions. D'une part, l'absence de coûts de transaction. Alors, évidemment, en général, il y a des coûts de transaction. Alors, qu'est-ce que c'est que les coûts de transaction? C'est le fait que, évidemment, il faut repérer qui est victime des externalités négatives, passer des accords avec tous ceux qui se sentent de près ou de loin victimes de ces externalités négatives, ce qui potentiellement conduirait à des scénarios extrêmement complexes. Et d'autre part, et c'est le point essentiel, n'est-ce pas, il y a une répartition des droits de propriété. Il y a une répartition des droits de propriété qui permet de désigner clairement qui est victime d'externalités négatives et qui est l'initiateur d'externalités négatives. Par exemple, dans le marais, dans le système de cause, vous avez des propriétaires individuels de bâtiments. Eh bien, au nom de leurs droits, eh bien, ce sont eux qui peuvent s'estimer victimes d'externalités négatives parce qu'ils ont un droit de propriété qui inclut, par hypothèse, le respect des murs propres contre les tagueurs de rue. Les tagueurs de rue se sentent victimes d'externalités négatives quand on efface leur graffiti, mais ils n'ont pas le droit de leur côté, puisque le droit de propriété est du côté de ceux qui détiennent les immeubles. C'est ça les deux dimensions de la structure de l'absence de coûts de transaction. Alors évidemment, il y a des coûts de transaction, vous l'imaginez. Et en particulier, si vous voulez, l'idée centrale ici, est de dire que dans les situations sociales, les acteurs ne se contentent pas généralement du fait de reconnaître que les autres ont des droits donnés, en particulier les droits de propriété, à l'intérieur desquels vont légitimement se développer la capacité d'initier des externalités négatives. En fait, si dans le cadre d'une législation donnée ou d'un certain type de droit, eh bien, certains acteurs veulent faire quelque chose qui est perçu comme nuisible par d'autres acteurs, eh bien, les autres acteurs ne vont pas chercher à payer les initiateurs d'externalités négatives pour les empêcher de le faire, mais ils vont essayer de mobiliser le système juridique pour les empêcher de faire ce qu'ils voudraient faire. Alors nous avons des exemples très nombreux en ce moment à Paris, où il y a plusieurs projets immobiliers de tours de grande hauteur, qui par ailleurs pourrait générer des externalités positives en réduisant le prix du logement, par exemple. Mais typiquement, ces projets sont empêchés. Il y en a un à La Défense, il y en a un au sud de Paris, sur le site de la Porte de Versailles, il y en a un au Batignolles. Typiquement, ces projets suscitent l'opposition des riverains, voire au-delà des riverains, parce qu'ils estiment, du point de vue de leur perception de la situation, qu'ils vont être victime d'externalités négatives. Alors l'externalité négative, ça peut être quelque chose de plus ou moins clairement identifiable, comme c'est le cas à la défense, le fait que la vue des autres habitants va être bouchée, ou bien qu'ils vont avoir de l'ombre du fait du soleil qui va être occulté par la tour, ou ça peut être des considérations esthétiques plus larges sur le caractère plaisant ou non plaisant d'avoir des tours dans une ville du style parisien. Et donc en fait, dans la réalité sociale, on n'est pas du tout dans un système causien, puisque dans le système causien, ceux qui seraient victimes de la construction de la tour devraient aller payer ceux qui veulent construire la tour pour essayer de les dissuader de le faire. Et s'ils y parvenaient, ça produirait une situation optimale d'un point de vue économique. Et si inversement, n'est-ce pas, ça ne marchait pas, eh bien c'est que les producteurs d'initialité seraient plus efficaces économiquement que ceux qui veulent les empêcher. En fait, il y a même un théoricien des normes qui a indiqué, il s'agit de Richard Posner, qui est un théoricien du droit, qui a produit une théorie, Economics and Justice, dans laquelle il développe l'idée qu'en réalité, les sociétés retiennent les systèmes juridiques qui leur permettent de maximiser la richesse collective. C'est-à-dire que tendanciellement, et il s'est basé sur les décisions des juges pour rendre compte de cela, il va considérer que les juges tentent à favoriser en fait la production de richesses collectives, et que donc par exemple, s'il y a un conflit entre une entreprise qui fait de la pollution et des voisins qui s'estiment lésés par la pollution, eh bien, le juge aura tendance à donner raison à ceux des deux qui produisent le plus de richesses mesurées collectivement. Eh bien, je crois que cette théorie est fausse, en fait. Elle est en partie vraie, puisqu'il y a des dispositifs qui ont pour vocation à favoriser la production de la richesse collective, mais elle est en partie fausse. Et il y a manifestement un grand nombre de réglementations qui visent à limiter des activités qui seraient potentiellement génératrices de croissance, de richesse, etc. Ainsi, pour reprendre le même exemple, l'Allemagne a arrêté son programme nucléaire alors que d'un point de vue économique, du point de vue du marché, si vous voulez, c'est quelque chose qui aurait été avantageux. Donc ça, c'est une décision majeure. De la même façon, dans une ville comme Paris, il y a énormément de dispositifs législatifs qui interdisent la destruction de bâtiments, le remplacement de ces bâtiments par d'autres bâtiments, et donc qui limitent globalement la possibilité de développement immobilier. Donc je crois que le théorème de cause n'est pas ce qui régit globalement la vie sociale, et la théorie inspirée par le théorème de cause sur les normes sociales de Posner, en tant que les normes favoriseraient l'output et maximiseraient, mesurées en termes de richesse, est une théorie fausse. Il me semble qu'il y a une autre catégorie de théorie qui n'est pas pertinente. Et je voudrais évoquer cette théorie maintenant, rapidement. Et il me semble, alors, je fais ici un petit peu de provocation et je crois que, en fait, c'est pas de la provocation, je pense que c'est vrai. Je pense. La provocation peut être vraie. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas une exagération. Je pense que c'est une interprétation exacte de la théorie. Je pense que le point de vue de Coleman et le point de vue de Bourdieu sont les mêmes, puisque généralement ce sont des auteurs qui sont supposés être opposés en tout point. Alors, quelle est Alors, je ne commencerai pas par Coleman et par Bourdieu, mais je commencerai par la théorie économique standard, en fait. La théorie institutionnaliste économique standard. Par théorie économique standard, je pense aux travaux sur la croissance de Olson, je pense aux travaux de North sur la croissance également, ou bien aux travaux plus récents et toujours sur la croissance de un économiste qui est très en vogue en ce moment, qui s'appelle Acemoglu, qui a produit une théorie générale de l'émergence des normes économiques sur la longue période. Pour résumer cette théorie en une phrase, en une phrase, puisque je crois qu'elle peut être résumée en une phrase, en fait, les acteurs ont des intérêts. Ces théoriciens s'intéressent essentiellement aux intérêts économiques, et les différents acteurs ont des pouvoirs d'action plus ou moins importants dans le cadre de la vie sociale. Et donc, les différents acteurs essayent chacun de mettre en place des normes qui leur soient favorables, qui défendent leurs intérêts et qui donc, incidemment, leur permettent de produire des externalités négatives sur les autres. Et donc, il y a un équilibre du pouvoir qui est en place, qui n'est pas l'équilibre de l'échange du marché, mais un équilibre des rapports de force en fonction des ressources dont les différents acteurs disposent, et qui conduit à une configuration d'un certain type qui fait que eh bien, les normes qui sont en vigueur à un certain moment correspondent au fait que certains groupes ont la capacité de mettre en place ces normes en leur faveur. Cette théorie économique standard, en fait, cette théorie économique standard s'intéresse néanmoins aux conditions empiriques, historiques, qui ont conduit à la mise en place de normes de marché qui correspondent à une certaine égalisation des droits pour les différentes catégories des individus. Mais évidemment, les normes de marché n'excluent en rien les relations de pouvoir, puisque les différents acteurs ont plus ou moins de force sur un ensemble de positions. Et évidemment, les externalités négatives sont produites en fonction de la capacité que l'on a à faire prévaloir, en quelque sorte, ces externalités négatives au détriment de celles des autres. Ainsi, prendre un exemple, n'est-ce pas? Est-ce que vous réussirez à imposer les éoliennes ou pas, sachant qu'il y a des gens qui veulent défendre les éoliennes, d'autres qui ne veulent pas des éoliennes. Et donc ensuite, en fonction de cette distribution des représentations et du pouvoir des acteurs, eh bien, vous allez être amené à une solution qui met en place ou ne met pas en place des éoliennes. Alors je pense que cette théorie, qui est la théorie économique standard en fait, est une théorie que l'on retrouve chez Coleman. Alors chez Coleman, il y a deux réflexions sur l'émergence des normes. Il y a une réflexion en situation de dilemme en situation de dilemme du prisonnier qui conduit à quelque chose de relativement égalitaire et qui conduit à des normes qui favorisent les externalités positives. Je ne développe pas. Mais fondamentalement, on est dans des situations asymétriques où, en fonction des capacités d'action des acteurs, eh bien, les uns ont la capacité de mettre en place des normes qui sont à leur avantage et au détriment de ceux qui se perçoivent comme victimes de telles normes, des externalités négatives. Donc, il me semble, si vous voulez, ben, évidemment, on pourrait détailler, hein, et que fondamentalement, on a une structure commune ici. Alors, il me semble également que cette structure est fondamentalement incomplète. Elle est en partie vraie. Elle est en partie vraie et les travaux de North montrent très bien la manière dont il y a une évolution des normes en fonction de l'évolution des groupes, du pouvoir relatif des différents groupes. Mais elle laisse de côté une dimension essentielle de la situation sur laquelle je voudrais insister maintenant, et qui fait que ce modèle de la prévalence des normes en fonction des intérêts est un modèle incomplet. C'est la question des justifications. L'idée que je voudrais développer est que les normes qui organisent la gestion des externalités, d'ailleurs, d'une manière générale, la répartition des actions, ces normes sont liées à des justifications et qu'il y a une structure de ces justifications qui se retrouve de manière régulière et qui permet de parler de mécanismes qui produisent les justifications et les normes qui sont associées à ces justifications. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Une organisation, par hypothèse libérale d'une société, c'est une société qui permettrait de régler le problème des externalités négatives, sauf que ça ne marche pas. L'idée serait que chacun fait dans son coin, en accord éventuellement avec d'autres personnes s'il y a des échanges, sans nuire à personne d'autre. Et en réalité, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des actions, des échanges, ces actions et ces échanges conduisent à produire des externalités, alors positives quelquefois, négatives sur les autres. Et donc, ce scénario, entre guillemets, libéral, ne règle pas ce problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le scénario de cause ne le règle pas davantage. La situation est telle que, en réalité, ceux qui veulent que les promoteurs de tours ne construisent pas de tours vont essayer de trouver des arguments pour convaincre éventuellement les promoteurs de tours, mais plus typiquement le public en général, du caractère non souhaitable la production de ces tours. Et donc, en fait, la structure de la justification, va être la suivante. Il va s'agir non pas de mettre en avant son intérêt particulier, quel qu'il soit, et d'essayer de le faire prévaloir en disant que cet intérêt particulier doit être associé à des normes qui vont le réaliser. Pareto disait que le meilleur moyen de ne pas parvenir à ses fins, c'est de dire que c'est fait en fonction de son propre intérêt, n'est-ce pas ? Puisque ça ne marche pas. Il faut trouver des objets communs qui soient susceptibles d'être perçus comme devant être l'objet d'une protection contre ceux qui iraient contre ces objets communs. Alors, en fait, il y a des candidats assez évidents. Alors, je suis en train de me demander, mais pour l'instant, ma réponse est négative, si on peut faire une liste, comme ça, à peu près exhaustive, du type d'objet suscitant ce type d'argument qui permet d'avoir une justification qui va conduire à générer des normes limitant la production de certaines externalités négatives, mais en même temps conduisant à empêcher d'autres personnes de faire ce qu'elles auraient l'intention de faire. Alors, il y a, je prendrai deux exemples très différents et qui vont en sens opposé. En fait, la protection du patrimoine la protection du patrimoine ou la protection de la nature. C'est une idée de bien commun qui est mise en évidence et qui doit susciter l'adhésion des acteurs pour parvenir à la mise en place de normes qui protègent cet objet contre les intérêts de ceux qui seraient tentés de les détruire. C'est l'exemple que j'ai donné à plusieurs reprises depuis le début. C'est par exemple le fait que, dans une ville comme Paris, la plupart des destructions immobilières soient interdites au nom de la protection du patrimoine. Et donc, il n'y a pas du tout de respect de la norme du droit de propriété. C'est quelque chose qui est soumis à une représentation de bien commun qui est mise en avant et qui doit prévaloir au détriment des intérêts particuliers qui pourraient conduire à de telles entreprises. Dans le sens opposé, ce que Cause ou Posner mettent en évidence comme motif de mise en place des normes, c'est-à-dire un objectif de croissance. L'objectif de croissance peut apparaître lui-même comme un thème de bien commun qui va susciter la mise en place de normes ayant pour but de favoriser cet objectif. Et ces normes devant favoriser cet objectif auront pour conséquence, par exemple, de conduire à la destruction d'un certain type d'activité, la destruction d'emplois liés à ces activités, parce que les gens percevront que, au nom d'une idée de bien commun, eh bien, de tels objectifs doivent être poursuivis et doivent être acceptés que des sacrifices d'intérêts particuliers soient mis en place. Et donc, en réalité, on n'est pas du tout dans une situation de type, disons, Coleman-Bourdieu ou North-Olson, où il y aurait simplement des acteurs qui, au nom de leur pouvoir ou grâce à leur capacité, mettraient en place des normes qui leur seraient en faveur. En fait, la discussion des normes se fait toujours au nom d'impératifs dits de bien commun qui correspondent à des objets qui sont susceptibles de susciter un intérêt assez large dans le public concerné, qui est responsable ensuite de la production des normes, et qui va néanmoins conduire à ce que des intérêts soient lésés de manière claire. Néanmoins, évidemment, ceux dont les intérêts sont lésés ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ils vont à leur tour mettre en évidence des structures de biens communs qui doivent compenser les actions qui sont engagées à leur encontre. Et donc, en fait, on est dans une situation sociale où il y a une négociation permanente entre les différents groupes d'acteurs sur les objectifs communs qu'il convient de poursuivre, sachant que ces objectifs en réalité ne sont jamais communs complètement, puisque toute définition d'un objectif commun est liée simultanément à la production d'externalités négatives sur ceux qui voudraient orienter l'activité dans une autre direction. Ainsi, par exemple, sur le nucléaire, ça va être d'un côté le coût de l'électricité bon marché, la puissance industrielle de la France, les emplois, etc. De l'autre côté, évidemment, la sécurité, le long terme, les générations futures, le retraitement des déchets, etc. etc. Et donc, en fait, si vous voulez, on est dans une situation qui se distingue de deux autres situations théorisées dans la littérature. Donc, la La situation que je décris est une situation différente de deux autres caractéristiques que j'ai déjà évoquées et que je rappelle. La première, c'est un système de maximisation collective à partir d'une unité de fonction d'utilité coût-avantage qui serait consensuelle et qui permettrait la maximisation de l'output, qui est, si vous voulez, la thèse benthamienne classique, traduite par la manière dont Coase ou Posner interprètent les normes comme servant à cet objectif. L'autre situation opposée à la précédente, est en fait un peu plus réaliste, est d'indiquer que différents acteurs ayant des objectifs, alors quels que soient ces objectifs, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de dire que les objectifs sont liés à l'augmentation de la richesse d'un groupe particulier, les objectifs, ça peut être n'importe quoi, n'est-ce pas. Je prends un exemple intéressant. Il n'existe pas de pays, à ma connaissance, qui n'ait pas de normes très sévères sur l'accès au marché de l'emploi et des étrangers, n'est-ce pas. C'est extrêmement sévère, de manière générale. Évidemment, la considération sur ce type de normes n'est pas du tout rapportée à des objectifs économiques en tant que tels, puisque la variable qui est prise en considération généralement n'est pas la maximisation de la croissance globale de l'entité considérée. Ce sont d'autres considérations qui sont généralement prises en place. Et donc l'autre structure qui me paraît incomplète, c'est une structure qui rapporterait les normes simplement à un équilibre entre le rapport des forces des différentes catégories d'acteurs en puissance, mettant en place des normes qui soient en leur faveur, disons la théorie de North. Il me semble que la situation sociale réelle est un mélange de ces deux aspects, avec une modification profonde du premier aspect. C'est-à-dire que, en fait, l'équilibre qui... Coleman utilise beaucoup la notion d'équilibre. L'équilibre qui résulte de la relation entre les différents acteurs dépend évidemment de leur capacité d'action, de leurs ressources et de leur capacité à faire prévaloir leurs objectifs. Néanmoins, ceci est compensé ou accompagné par des structures de justification, et ces structures de justification visent à dégager des objectifs de bien commun possible qui soient perçus comme concernant une partie importante de la population. Mais évidemment, ces objectifs de bien commun ne sont pas du tout réductibles à la croissance économique telle que quelqu'un comme Coase ou Posner l'a conceptualisé, puisque ça peut être des choses qui vont exactement à l'opposé de la croissance économique, comme la protection du patrimoine ou bien la protection de la nature contre une industrie jugée polluante. Et donc, en fait, les normes font l'objet d'une négociation permanente entre des groupes d'acteurs ayant une capacité d'intervention et d'action inégale et mobilisant chacun des registres argumentatifs qui ont en fait tous la même structure. Cette structure consiste à mettre en évidence des biens communs qui soient susceptibles de rassembler des motifs de mise en place de normes, mais qui ont pour conséquence, je le répète, le fait que certains sont lésés et le vivent très mal, et donc vont à leur tour entrer dans le jeu de cette négociation. Et donc on a en fait un système de normes globalement évolutif, et qui n'est ni du point de vue de la contrainte unilatérale, ni du point de vue d'une maximisation de l'utilité commune qui n'est pas définissable, mais du point de vue de la mise en évidence de biens communs dont la liste varie et est constamment modifiée en fonction de la situation. Alors en fait, ça pourrait être proche des thèses sur la justification, qui est un livre de sociologie économique, de Boltanski et Thévenot, puisqu'ils mettent en évidence, à travers cette notion de cité commune, cet effort de justification de thèmes communs qui rassembleraient les différents acteurs. Alors néanmoins, je ne me situerai pas du tout dans la filiation de ce livre, même si il y a une idée dans ce livre qui me paraît importante, puisque en fait ce qu'ils mettent en évidence, c'est une pluralité X de registres argumentatifs et qui sont un petit peu aléatoires de mon point de vue. Et alors que ce que j'ai cherché à mettre en évidence, c'est que la spécificité ici de ces registres argumentatifs consiste à régler le problème des externalités négatives, à régler le problème des externalités négatives en mettant en évidence des priorités de biens communs qui règlent le problème en mettant en place des normes communes ayant pour but de solutionner ce problème, tout en ajoutant, n'est-ce pas, que le problème n'est jamais réglé complètement, puisque en fonction même de la notion d'externalité négative, le fait d'empêcher certains de faire certaines choses correspond à la production d'externalités négatives sur eux. Voilà une petite idée de ce traitement conceptuel de la manière dont, d'un point de vue sociologique, on peut traiter différemment ce point de ce qui est standard dans la littérature économique et dans certaines dimensions de la littérature sociologique. Merci Pierre, voilà. merci. Bon, ça y est, la parole. Ouais, Vincenzo, puis après Nicolas. D'abord, merci. Alors, j'ai pris plein de choses et puis j'avoue mon ignorance parce que une grosse partie de cette littérature n'est peu familière, quasiment inconnue. Bon, bon, c'est pour ça que peut-être j'ai pas bien compris certaines choses et je vais. Alors la première, tu as peut-être déjà répondu, c'était non pas une filiation, parce qu'évidemment je ne me permettrais pas de dire ça, mais peut-être une proximité, une inspiration par rapport à l'œuvre de Boltanski et Thévenot, qui à ma connaissance était quand même la première en France à vraiment faire en sociologie, à faire, et en philosophie, parce que l'inspiration philosophique est très forte, à faire de la justification de, bon, carrément une dimension à part entière de l'analyse du bien commun. Et peut-être l'intérêt de cette... Alors évidemment, je n'ai pas cité rationalité axiologique. Bien sûr. Mais bon, c'est peut-être, disons, le texte qui introduit tout en courant, même toute une école, d'ailleurs. Et du coup, peut-être l'intérêt de ce livre, qui n'est pas toujours clair, qui n'est peut-être pas si simple que ça, était justement de montrer qu'il y a une pluralité de registres du bien commun, qu'il est très difficile d'apporter des justifications, parce que, notamment... C'est la modélisation des cités montre l'irréductibilité hein, du bien commun. Alors, bon, tu as déjà un peu répondu. Et du coup, j'ai envie de te poser un cas qui m'a un peu fasciné. Parce que bon, je reviens d'Amérique latine, je suis au Brésil. Du coup, là, la question se pose du bien commun, qui est un peu un bien cosmopolite, celui de la protection du milieu, la protection de la terre et notamment de la forêt bien sûr. Alors là, j'ai assisté à des débats. Bon, dans une optique, disons, la plus cosmopolite qui soit, le bien commun le plus important serait la planète. Et préserver, évidemment, les espèces, la biodiversité, et notamment la forêt amazonienne qui est le dernier poumon. Et donc, ce serait dans l'intérêt de tout le monde, c'est-à-dire la communauté la plus large qui soit toute l'humanité, qu'on préserve cette partie-là. Mais évidemment, les Brésiliens et puis les autres, parce qu'il n'y a pas que le Brésil dans lequel il y a cette forêt, font valoir que... D'abord, ils sont propriétaires, c'est une question de souveraineté nationale, et que, combien même il y aurait cette définition, un peu une sorte de chantage, bon, il faut préserver parce que sinon tout le monde meurt, et quand même, il y a des choses qui vont de l'intérêt économique du pays, parce que c'est un argument néocolonialiste que de dire qu'il ne faut pas exploiter la forêt en disant que vous l'avez fait vous-même, et maintenant c'est notre tour. Et en dehors de ça, il y a plein de choses quand même qui montrent que les Brésiliens, s'ils acceptaient de ne pas toucher la forêt, qui est quand même largement entamé pour l'exploitation agricole, il le ferait non pas pour le bien collectif qui est celui de l'humanité, ce serait parce que, par exemple, les revenus du pétrole qui a été découverte est le plus intéressant, que c'est plus, ils se rendent compte que l'exploitation de la forêt ne donne pas vraiment beaucoup de denrées agricoles parce qu'elle est fragile, et qu'aujourd'hui c'est plus intéressant de la garder peut-être telle qu'elle parce que ça fait un intérêt touristique énorme, puisqu'il y a un afflux de touristes européens et américains qui vont là-bas pour voir que la forêt existe encore, parce qu'il y a des chamans, parce qu'il y a plein de choses, etc. Bon, du coup, là, paradoxalement, le bien commun ne serait pas celui de quelque chose qui est lié à l'ensemble des individus de la planète, mais parce que, d'une certaine façon, les Brésiliens eux-mêmes se rendent compte que ce n'est pas si intéressant que ça de faire quelque chose qui, à leur avis, serait un avantage. Oui, alors, c'est un bon exemple qui correspond exactement à ce qui m'intéresse. Dans la forêt brésilienne, si tu veux, tu as un système de droit de propriété. Alors bon, je n'ai pas ici, parce que j'ai un chapitre dans le livre que je prépare sur l'émergence des droits de propriété. Supposons qu'il y a des droits de propriété clairs sur la forêt amazonienne, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il y a les tribus indiennes, etc. Les gens exploitent, et les gens à l'autre bout du monde se sentent concernés, externalité négative, et veulent venir empêcher les gens de... Et donc, si tu veux, tu as typiquement deux structures de biens communs qui vont être opposées et qui dépendent de la perception de biens hétérogènes qui ne peuvent pas être assimilés l'un à l'autre et qui peuvent en effet être intégrés à des registres, à des tailles de population différentes, si on prend en considération les Brésiliens seulement ou bien l'ensemble de la planète. Et ainsi, en fait, il va y avoir une négociation qui va apparaître entre des prétentions au bien commun, avec cette idée intéressante que tu évoques, qui est que, d'un point de vue économique même, ça peut être intéressant de préserver la forêt plutôt que de l'exploiter. Néanmoins, si tu veux, ce qui m'intéresse, et c'est ça qui fait que je pense que ma perspective n'est pas du tout similaire à celle de Boltanski, même s'il y a une idée qui est autour de la notion de justification. Néanmoins, quand j'ai soutenu ma thèse il y a maintenant bien longtemps, j'avais dans le dernier chapitre, alors que j'avais jamais lu Boltanski, je ne sais pas si le livre de Boltanski était paru, je crois qu'il n'était pas paru, fait une critique de l'analyse des normes sur chez Coleman, sur ce thème de la justification, n'est-ce pas? Mais à l'époque, j'arrivais pas à trouver comment ça fonctionnait. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a des types d'objets qui, par leurs propriétés spécifiques, suscitent leur qualification possible comme bien commun. C'est-à-dire que la forêt amazonienne, la couche d'ozone, le patrimoine du Moyen-Âge, la santé des individus, etc. Ce sont des objets qui ont, par leurs propriétés intrinsèques, une capacité à atteindre ce statut de bien commun. Et qui oriente la production de normes. C'est-à-dire que, en fait, il y a deux idées. Hein. C'est qu'il n'y a pas de vie économique, de vie sociale sans normes. Et ces normes, en fait, sont orientées par ce type de dispositif et de justification, concurremment à la capacité des différents acteurs de faire prévaloir les normes qu'ils souhaitent réaliser. Alors, donc, en fait, c'est très différent de... c'est une objection classique qui est faite. J'ai jamais très bien compris la liste des cités, etc. Là, si tu veux, je m'intéresse plutôt aux propriétés des objets qui suscitent leur qualification comme structure de bien commun. Alors, il y avait une question de Nicolas, oui. Et après Gianluca. D'abord, merci. Ça m'a personnellement beaucoup éclairé sur mon sujet de thèse, en fait. Puisque vous avez eu un cours semblable à ça. Oui, mais un rappel est bon. Et surtout, j'ai mieux fait le lien, puisque ce que j'étudie illustre complètement ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est les mouvements, en particulier, je pense aux mouvements qui ont eu lieu à Paris dans les années 80, contre des rénovations urbaines, en particulier dans le 20e arrondissement, révèlent pas mal de choses de cet ordre, puisque... On constate que dans une première phase, donc des projets qui avaient vocation à détruire toute une partie du bâti, la première phase du mouvement, c'est d'abord des familles, des individus qui font prévaloir le fait qu'eux vont être expulsés et qu'il y a une forme de cruauté à leur égard. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une phase qui ne fonctionne pas très bien, qui n'arrive pas à aller au-delà d'un contexte local et donc à peser sur le débat public. Et en fait, la phase déterminante de ces mouvements, évidemment, il y a eu pas mal de mouvements entre les années 70-80 sur ce thème-là, c'est le moment où, justement, on arrive dans un registre argumentatif qu'on montre et l'importance du patrimoine et donc la nécessité de définir des normes de protection du bâti. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on compare historiquement les différentes périodes de rénovation de Paris, il y a des moments où l'impératif de protéger un certain patrimoine qui est l'architecture, on va dire, du 19e siècle, début du 20e siècle, apparaît dans un certain contexte. Et auparavant, plus dans les années 60, l'argumentaire du bien commun qui serait la modernité, etc., triomphait davantage. Donc ça, je trouve que ça illustre très bien ça. Et alors, juste un point, puisque je ne l'ai pas dit, et ça, ce qui est marrant, c'est que on n'est pas du tout dans une situation de free rider. Les gens sont zélés pour faire prévaloir les objectifs auxquels ils tiennent. C'est intéressant de voir combien les gens sont motivés à défendre telle ou telle perspective qui leur paraît légitime comme devant inspirer la mise en place. En fait, on n'est pas du tout dans une situation où les gens comptent sur les autres pour faire. Il y a au contraire des engagements très forts pour réaliser tel ou tel objectif. Voilà. Oui, et après, autre chose aussi qui me semble une dimension importante de ces mouvements sociaux, mais peut-être des mouvements sociaux en général, c'est cette manière dont les acteurs engagés vont faire en sorte, donc c'est dans la confrontation, donc par exemple, là, entre c'est à la fois des pouvoirs publics, enfin des sociétés d'économie mixte et des habitants, les uns cherchent à démasquer l'intérêt individuel mesquin des autres, c'est-à-dire que chacun prétend agir pour le bien commun, et le but d'un militant dans ce cadre-là, ou d'un institutionnel, ça va être de montrer que les habitants ont peur par rapport à eux-mêmes, etc., que c'est tout à fait légitime, donc ils vont être dans un discours plutôt empathique. Les habitants, eux, vont chercher à montrer que cette construction arrive là pour une raison qui n'est pas le bien commun, mais qui est le bien de certaines entreprises, etc. Et donc, les questions que je me pose, ce qui est intéressant, c'est le moment où ça bascule, c'est-à-dire que à quel moment le discours de l'un triomphe sur le discours de l'autre. Alors, il y a la question des ressources, c'est évident, mais une hypothèse, c'est à partir de ces cas, je me demandais ce que vous en pensiez, c'est que à force, il y aurait presque un basculement démocratique, c'est-à-dire que plus le discours serait tenu par un nombre élevé de personnes, enfin, plus à force, on n'arrive plus à trancher entre des normes différentes, entre un impératif donc pour les promoteurs de réussite économique et pour les autres de préserver une authenticité du quartier. Et on n'est d'ailleurs pas du tout dans les mêmes registres. Par moment, il y a une incommunicabilité complète. Et ce qui va faire que, par exemple, il y a des mouvements qui ont perdu aussi, que ces mouvements-là ont gagné, c'est qu'il y a eu une sorte d'usure et de plus en plus de monde impliqué. Et donc, comme si, en fait, c'est parce qu'il y avait un plus grand nombre qui tenait un discours que ça avait fonctionné. Oui, je trouve que sa question est bonne. Who is the winner ? C'est la question qu'on se pose. Et parfois, ça s'inverse complètement. Et qu'est-ce qui fait qu'une justification l'emporte, peut l'emporter sur l'autre ? Alors, en fait... On reste un peu sur sa fin. Non. Enfin, oui, c'est normal que tu restes sur ta fin, mais si tu veux, d'une manière générale, ce que je décris, c'est que, premièrement, il n'existe pas de système normatif sans référence à de tels bien communs. Et donc, on n'est pas dans un système où les normes sont simplement aléatoires, comme ça. Et ensuite, il y a des objets qui ont des propriétés de susciter de telles représentations de biens communs. Et donc, par exemple, il y a des tendances sur le long terme, lorsque l'industrialisation se développe, à ce qu'on ait en retour une demande de protection de la nature, parce qu'elle fait l'objet de dégradation. Lorsque il y a un patrimoine historique dont le style tant n'existe plus, il y a une tendance à ce que ce patrimoine historique soit préservé. Lorsque il y a des industries qui apparaissent caduques au regard du développement technologique, il va y avoir une représentation de biens communs qui est que ces industries peuvent légitimement disparaître, alors même que ça va conduire plein de gens à être au chômage ou à avoir des difficultés. Donc en fait, je pense qu'on arrive assez bien à comprendre la logique d'évolution des normes. Lorsque la forêt amazonienne, est immense et qu'elle n'est pas exploitée, elle n'intéresse personne, mais à partir du moment où elle commence à être très exploitée et qu'il se pose le problème de la couche d'ozone, il va y avoir une préoccupation sur la forêt amazonienne qui va tendre progressivement en fait à ne pas permettre son exploitation simple, etc. Donc en fait on arrive assez bien à comprendre la logique, mais en même temps ce que j'ai dit c'est que ces différents biens communs étant hétérogènes les uns avec les autres, entrent en conflit les uns avec les autres, et en fait il n'y a pas de hiérarchie sociale claire. En fait, c'est un point de vue qui n'est ni relativiste, ni substantialiste. Si tu veux relativiste, ça serait aléatoire, qu'il y a différent. Moi, je pense qu'il y a une logique des argumentations, que ça me met vraiment en évidence. Et en même temps, si tu veux, qu'il faut qu'un groupe l'emporte sur l'autre. Alors, parce qu'au fond, il y a des biens communs qui sont en compétition. Oui, absolument. Et qui masquent plus ou moins les intérêts privés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un type de justification va pouvoir prendre le pas sur une autre? Le raisonnement général, si tu veux, c'est qu'il faut qu'il y ait un objet qui intéresse une grande partie de la population, qui soit susceptible d'être motivant, et qui, évidemment, va aller contre les intérêts d'une catégorie qui ne serait pas d'accord. Il y a des circonstances particulières qui vont orienter dans une direction plutôt que dans l'autre. Il me semble, alors là, ça c'est un peu vraiment de la folk sociologie, je n'ai pas fait une étude, mais il me semble quand même que si on doit expliquer pourquoi le nucléaire en France se porte bien, tandis qu'en Allemagne il se porte mal, et que le pouvoir conservateur en Allemagne y a renoncé, alors que le pouvoir socialiste en France le défend, c'est que vraisemblablement, le nucléaire dans un pays comme la France est associé à une tradition où le nucléaire est perçu comme positif dans sa version militaire, puisque c'est ce qui a fait de la France un membre permanent du Conseil de sécurité, etc. La France a légitimement la puissance nucléaire, ça. Tandis qu'en Allemagne, au contraire, il y a une tradition très maintenant anti-belliciste pour les raisons... C'est du relativisme culturel, ça. Attends. Ça répond beaucoup à vous. Je te dirais que ce sont... Non, Moudon a tout à fait des explications de ce type. Hein. Ce sont les bonnes raisons que l'on a dans un pays plutôt que dans un autre. Maintenant, je dis qu'il y a des circonstances locales qui font que il y a ce type de dispositif très différent. Hein. C'est intéressant de comparer l'Allemagne et la France de ce point de vue. Maintenant, quand on raisonne en termes d'évolution, alors moi j'avais fait ce travail avant sur des normes plus générales, sociales, par exemple l'abolition de l'esclavage ou bien la défense des droits des femmes, etc. Ce sont des évolutions qui apparaissent un petit peu irréversibles. Mais sur ces questions de normes génératrices de la vie économique commune, je pense qu'il y a des objets qui ont des propriétés qui font qu'ils vont être reconnus comme protection de la nature, protection du patrimoine, protection de la santé, protection de la sécurité, des choses comme ça. Et qu'en fait, on voit que les normes correspondant à ce type de motivation tendent à se mettre en place et vont orienter l'activité économique dans une certaine direction. On a pris la parole de John Mulcair qui voulait... Non, pas vrai. J'ai une question qui peut-être reprend certains éléments des questions précédentes, mais je te la pose d'un point de vue conceptuel. En fait. Tu as peut-être donné quelques éléments de réponse à la question que je vais te poser, mais je ne suis pas complètement convaincu par les éléments de réponse. Alors, ma question est simple. Ce que je ne vois pas très bien, c'est ce qui rend ton complément, ta solution, ton complément, parce que tu l'as présenté comme un complément, pas comme une solution, qu'est-ce qui rend ton complément au cadre théorique précédent moins exposé à la même critique que toi-même tu as formulée aux autres cadres théoriques, notamment dans quelle mesure la définition d'un objet commun est moins difficile que la définition de l'utilité individuelle. Alors, tu as dit on ne peut pas, on a des appréciations différentes des coûts, des bénéfices, ce qui amène à représentation différente de la situation, mais ce même conflit, cette même difficulté de comparaison, puis après de quantification, bon, sans aller jusque-là, tu l'as pour la définition de l'objet commun. Preuve en est que même pour les objets que tu considères comme ayant des propriétés particulières comme l'environnement, le climat, le patrimoine, si tu observes des pays très différents sur le climat, les États-Unis, la France et le Japon font des arbitrages radicalement différents. Donc, ils ne sont évidemment pas d'accord sur la priorité de cet objet commun, défense de l'environnement. Le patrimoine culturel, c'est la même chose. Si tu compares l'Italie et la France, par exemple, évidemment, il y a une perception très différente. Donc, dans quelle mesure l'idée que les externalités sont liées à des arguments qui font référence à des objets communs constitue une solution plus robuste à la solution qui est fondée sur la définition de l'utilité? Puisque dans les deux cas, il me semble que tu es exposé au même problème de impossibilité sur le plan théorique d'atteindre un consensus, parce que tu ne peux pas comparer des perceptions différentes. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive assez facilement, à des consensus sur des objets comme l'esclavage, la différence de droits élémentaires, etc. C'est beaucoup plus compliqué de parvenir à des consensus sur les normes qui permettent d'organiser la vie sociale et la vie économique en particulier. Néanmoins, je pense que, ayant dit cela, en fait, il y a quand même une logique de la formation des normes constitutives de cette vie sociale, qu'elle n'est pas arbitraire, qu'on arrive à comprendre les mécanismes de formation tendanciels, même si, comme je viens de le dire, il faut prendre en considération d'autres facteurs qui existent, qui renforcent quelquefois la divergence par une différence d'appréciation. Et alors la différence par rapport aux deux théories que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire, disons, pour faire simple, celle de cause et celle de North, celle de cause, d'abord, se contente d'un cadre de répartition des droits et dont il démontre qu'une fois donné, il produit une maximisation de la richesse collective. Et moi, ce que je montre, c'est que premièrement, la répartition des droits fait toujours l'objet d'une négociation qu'elle n'est jamais acquise et définitive, et que deuxièmement, l'objectif d'une production de richesse globale n'est pas un objectif consensuel précisément, et qu'il fait l'objet lui aussi d'une négociation par rapport à d'autres objectifs. Et la différence par rapport à la deuxième théorie, disons celle de North, même si North introduit la notion de croyance, etc., c'est l'importance mise sur l'accent de justification. Maintenant, puisque je suis boudonien, j'insiste sur la place du désordre, n'est-ce pas? La place du désordre, c'est-à-dire le fait que, en fait, on est. Moi, je récuse deux perspectives qui me paraissent fausses. La première, c'est que ce serait purement relatif, purement aléatoire, purement culturel, tout ça. Et la deuxième, qui serait strictement substantialiste, c'est-à-dire qu'il y a la bonne solution, et que les gens, une fois qu'ils ont trouvé la bonne solution, y adhèrent, etc., et que tout va bien. En fait, ces deux perspectives sont fausses, à mon sens. La perspective pertinente, n'est-ce pas? La perspective pertinente, c'est de montrer que, en fait, il y a un besoin de normes pour régler ce problème, qu'il y a des candidats qui sont susceptibles de régler ce problème parce qu'ils ont des propriétés qui satisfont une possibilité de parvenir à un bien commun, que néanmoins, ces biens communs sont en conflit les uns avec les autres, et qu'il y a une difficulté de pondération entre ces différentes dimensions, surtout que par ailleurs, ces différentes dimensions peuvent être associées à des intérêts liés à des groupes qui soutiennent telle ou telle option, que néanmoins, on parvient à expliquer une certaine évolution comme ça tendancielle de certaines normes. Donc, par exemple, la mise en place de normes de protection de l'environnement, la mise en place de normes de protection du patrimoine culturel. Je m'intéresse aussi aux normes sur le travail. J'en ai pas parlé aujourd'hui pour ne pas multiplier le type d'exemples. Et qu'ainsi, on parvient à expliquer certaines tendances plutôt que d'autres, mais qui ne sont pas absolument définitives, puisque vraiment, moi, c'est un exemple qui me fascine, en fait, cette divergence qu'il va y avoir sur le nucléaire entre la France et l'Allemagne. C'est quelque chose qui est très spectaculaire. Et l'Italie aussi, d'ailleurs. Je crois que l'Italie renonce au nucléaire. Ça a quasiment jamais existé, en fait. C'est mieux de renoncer à quelque chose qui n'existe pas. Pierre-Marie voulait aussi te poser une question. J'ai une première question sur l'usage du mot structure qui m'a surpris. Donc évidemment, ça ne veut pas dire structure sociale, mais plus une structure analytique, j'ai l'impression. Et je cherchais en fait à caractériser la structure que tu mets en évidence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la structure de justification? Tu parles de structure de justification. Et le moment où j'ai l'impression que tu l'as définie, c'est de dire qu'en gros, c'est le fait de ne pas promouvoir ou lier quelque chose à son propre intérêt, mais le fait de le lier à des biens communs. Donc c'est ça la structure de justification. Donc pourquoi ce terme de structure? À quoi ça sert? En gros, c'est la question que je poserai. Et qu'est-ce que ça apporte de le qualifier ainsi par rapport à ce que disent par exemple Bourdieu ou Boltanski sur quelque chose, un mécanisme général du monde social, j'utilise à dessein le mot mécanisme, qui est le fait de chercher à universaliser son intérêt. Que les acteurs, en gros, cherchent dans les débats, dans les controverses, dans les conflits, à universaliser leur propre position pour convaincre, en gros, leur interlocuteur. Et toute la sociologie, disons, de Bourdieu, de l'affrontement entre différentes visions du monde, c'est de montrer comment certains acteurs dits dominants cherchent à universaliser des positions qui sont liées à leurs intérêts. Donc là, c'est la première question sur la leçon. J'avais deux questions déjà. Donc déjà, il y a deux questions. Et une troisième, en fait, c'est... Structure et structure, ouais, de la justification. Exactement. Et une troisième question, en fait, j'ai l'impression que tu... Comme tu aimes bien rassembler des auteurs hétérogènes, Coleman, Bourdieu, en fait, je dirais que tu es calonien. Qui ont publié un livre ensemble, tu sais. Je dirais que tu es calonien, en fait, tu ressembles, enfin, que la théorie que tu proposes de l'émergence des normes et de la révolution me fait beaucoup penser à la sociologie de la traduction, hein, de Calon-Latour. Et que tout ce que tu dis, on peut le reformuler avec les termes de Calon-Latour, mais du coup, avec un autre vocabulaire. Et ta thèse finale, c'est les normes comme objet de négociation permanente, mobilisant des registres argumentatifs avec la même structure. Donc, structure de bien commun. Structure de bien commun. Et donc, effectivement, ça peut être traduit dans le langage de la sociologie de la traduction. Et la question, c'est qu'est-ce que ça apporte, en gros, de le formuler comme tu le formules par rapport à ce que disent, par exemple, Calon et Latour. J'ai l'impression que ce que cherche à montrer Calon et Latour, c'est effectivement, comme toi, une forme d'équilibre instable. Hein, je dirais ça comme ça, équilibre instable, avec quelque chose qui doit être montré, c'est comment il y a des mécanismes d'intéressement. Hein, comment on arrive à intéresser et à créer des coalitions d'intérêts. Et donc, ce qui les intéresse, c'est l'intéressement, la traduction, la médiation, c'est-à-dire des processus, essentiellement. Donc, c'est une sociologie des processus. Et donc, je me demande, en gros, est-ce que tu cherches à mettre en évidence, ouais, une sociologie de l'équilibre ou des processus, et comment tu te situerais par rapport à ça? Bon, trois questions, donc. Moi, ma perspective en sociologie, elle est double. La première, c'est que je pense qu'on exagère beaucoup certaines différences entre auteurs et qu'il faut essayer de trouver la structure commune et donc d'adopter un point de vue cumulatif. Je pense qu'on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur la vie sociale, les mécanismes sociaux, qu'à l'époque de Durkheim, disons. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un approfondissement de la manière dont on se représente les choses. Et par contre, et c'est ça qui fait que je suis un petit peu marginal dans la sociologie en général, c'est que je n'arrive pas, moi, à aborder un objet empirique isolé sans avoir besoin de catégories générales qui me permettent d'interpréter cet objet. C'est pour ça que j'aime la théorie sociologique, que je m'intéresse à la sociologie à cause de la grande tradition de la théorie sociologique, que je trouve très belle, très importante, et qui est en fait présente dans chaque phrase, peut-être, d'une analyse empirique particulière, de manière implicite. Alors, du coup, j'utilise la notion de structure parce que c'est un usage canonique qui est dans la sociologie analytique à laquelle Gianluca et moi nous intéressons. Il y a cette référence à la notion de structural individualism. Comme je le dis dans l'article que je dois donner à Gianluca, que je n'ai toujours pas terminé sur Mohamed, enfin, pas sur Mohamed, en hommage à Mohamed Cherkaoui, Boudon, dans son dictionnaire sur l'égalité, alors je ne sais pas si c'est Boudon ou Bourricot, mais je pense pas que Boudon ait laissé passer ça sans être en accord avec ça. Il cite Whippler et il dit structural, etc. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est l'idée que, en fait, les individus sont toujours pris dans des situations sociales, et ça, c'est une tradition très ancienne que tous les individualismes éthologiques ont toujours répété. Donc j'aime bien utiliser ce mot un petit peu pour montrer que ça fait partie de ce patrimoine. Et alors la structure, c'est à la fois en effet des configurations réelles et des outils analytiques pour interpréter ces configurations réelles. Et là, ce qui m'a intéressé comme structure fondamentale, si tu veux, c'est d'une part le fait qu'il y a des externalités négatives. C'est-à-dire typiquement, quand on fait quelque chose, d'autres personnes ne sont pas contentes. Pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est une structure sociale, n'est-ce pas? Et qui donne lieu à des représentations et à des procédures de justification qui sont typiques, qui sont récurrentes, qui permettent d'analyser des situations très différentes de manière convergente, ce qui permet, en fait, de théoriser quelque chose comme... Le mot de structure, c'est simplement parce que c'est celui qui est disponible pour ce genre de choses dans la tradition dans laquelle je m'insère. Première question. Deuxième question, est-ce que, précisément, je suis sur ce point anti-bourdieusien, tu vois, puisque, et Bourdieu ici n'est que parisien, en fait, hein, c'est une idée de Pareto, l'idée qu'en fait, les gens fondamentalement défendent leurs intérêts, mais qu'en réalité, ils font semblant de défendre, en fait, ils défendent leurs intérêts, donc ils universalisent. Je pense que c'est faux. Je pense, si tu veux, que la structure de l'interaction, cette question des externalités, font que les gens sont sincèrement intéressés par la nature, par le patrimoine, par la santé publique, etc. Et que ce n'est pas un intérêt individuel au sens singulier qui irait contre ceux des autres. C'est vraiment un souci du bien commun et qui se dirige vers des objets qui ont la propriété, en fait, au moins potentiellement, de réunir, comme la liberté individuelle aussi. La liberté individuelle, c'est une structure de bien commun, mais qui va entrer en conflit avec d'autres objets, puisque... donc là, en fait, je pense que c'est tarte à la crème, mais c'est très vrai. Souvent, les gens défendent leurs intérêts, là, mais ça, c'est quelque chose que tu trouves chez Pareto, chez Nietzsche, chez Bourdieu, enfin... Mais en fait, je pense que ce n'est pas le dernier mot de l'histoire, tu vois. En fait, c'est même le sens profond de ce, et c'est en cela que je suis dans la lignée de Raymond Boudon. Bon, je pourrais parler en détail de la rationalité axiologique de ce que je pense de ça, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Et alors, sur ta troisième question, alors là, tu me mets vraiment en mauvaise compagnie, parce que s'il y a un auteur que je n'aime pas, c'est Latour. Tout simplement, je ne comprends pas ce qu'il dit, moi. Je trouve que ça va dans tous les sens. C'est quelque chose qui n'est pas du tout analytique pour moi. Alors, c'est vrai que la version Calon... Mais justement, j'ai dit plus Calon. Voilà, la version Calon me convient davantage. Mais pourquoi pas dans une structure cumulative, si tu veux. Moi, je ne cherche pas du tout à me distinguer des autres. Je cherche plutôt, au contraire, à trouver des points de regroupement. Il y a... Et si tu veux... Et je réponds à nouveau à Olivier qui a fait cette objection que Gianluca, je ne suis pas sûr qu'il l'ait faite. C'est relativiste? Non, ce n'est pas relativiste. Je pense qu'il y a vraiment des objets qui ont des propriétés qui leur permettent de susciter cette adhésion à des normes communes, mais qu'ils sont eux-mêmes en conflit les uns avec les autres. et que donc on est dans une situation sociale qui constamment modifie les normes en fonction à la fois des intérêts et de ces représentations de biens communs qui sont évolutives mais qui ont une logique propre en fait, qui ont une logique propre et qui ne sont pas aléatoires et arbitraires. Et ainsi, on peut analyser comme ça certaines évolutions, même s'il y a d'autres facteurs qui vont dans l'autre sens. En fait, il faut être sensible à la réalité sociale dans sa, dans son caractère non homogène. Hein. Par exemple, j'ai lu le dernier livre là, de Piketty sur le capital, qui est un très beau livre en fait, hein, très sophistiqué. Il montre bien qu'il y a à la fois des mécanismes. J'ai lu 750 pages. Enfin, tu sais, je suis devenu insomniaque, alors je lis maintenant. Il montre bien qu'il y a des mécanismes qui renforcent les inégalités comme ça. Et en même temps, à côté, de manière parallèle, tu as des mécanismes qui diminuent l'inégalité. Et le mécanisme principal qu'il met en évidence, c'est le fait que les inventions, qui sont la source, en fait, de la prospérité industrielle depuis 100 ans, tombent très vite dans le domaine public et que donc les techniques qui, initialement, sont brevetées, tombent dans le domaine public et que c'est le contraire d'un mécanisme inégalitaire, c'est un mécanisme égalitaire. Donc c'est en fait la vie sociale est complexe et va dans des sens opposés simultanément, si tu veux. Bien. Pas d'autres questions. Ben, on remercie Pierre pour ce séminaire très conceptuel et intéressant. Merci beaucoup. Merci pour votre. Oui, le prochain séminaire, c'est le 19 décembre. Voilà. Donc, je vous invite à venir. C'est une sociologue qui s'appelle Myrna Sophy, qui est une spécialiste de l'immigration et qui nous parlera. C'est la grande spécialiste de l'immigration en France.